À l'occasion de la journée de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président tajik Emom Ali Lahumon a fait parvenir un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinateur s'est exprimé convaincu du développement continu des relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays et a souhaité santé et succès au maréchal Kim Jong-un, ainsi que paix et prospérité au peuple coréen ami.